Vas-y. Ah, ça. A, O, A, I, U. Ouais. On s'entend ? On a les retours ? Bonsoir. Ah, mais je suis con. Pardon. Regarde si tu es branché. C'est normal, tu suis le fil et je m'entends tu tournes pas le bouton qui est à côté. Normalement, tournez les boutons tu devrais sur les casques. Tournez les boutons sur les t'as, casques. T'as un bouton là si tu veux ajuster le son. Voilà. Attends, attends. Fort, ouais, là c'est bien. Ouais. Moi j'allume. Moi je t'entends pas. Je mets ça voilà. Au dernier moment. Voilà. On s'auto-entend pas. On saute. Moi je m'entends, mais j'entends pas Fanny. Non, Fanny. Tu t'entends pas. Alors, vas-y, parle dans le micro s'il te plaît. Ok, il y a un interrupteur sur le micro. Moi je t'entends pas. Il y a des interrupteurs. Voilà, vas-y. Là je viens d'entendre. C'est bonjour. Ah oui. Ah. Attention. La voix douce de Fanny. Attention. Vous avez manqué. Ah, c'est beaucoup mieux là. Pas de bruit. 4, 3, 2, 1. Depuis 2006, musique, émissions, cadeaux, événements. Pas que sommes-nous. Radio Malherbe Grenoble. RMG. Numéro 1 en Rhône-Alpes. RMG. Depuis Grenoble, RMG, la première web radio de la région. Yes. RMG38.net. L'aventure radio Malherbe Grenoble, c'est RMG. Bonsoir, bonsoir à tous, il est 20h30, vous êtes en direct d'RMG, l'émission Autour d'elle. Rappelez-vous, hein, cette émission absolument fabuleuse qui entraîne un certain nombre de jeunes femmes, toutes différentes, qui aiment la vie, qui aiment l'amour, qui aiment le sexe, entre autres, être autour d'une table et discuter de ce qu'elles aiment au quotidien dans notre belle ville grenobloise. Il est 20h30, on part pour 1h30 de bonheur, de folie et encore une fois de fluide. Sur RMG. Que du bonheur. Bonsoir mesdames, bonsoir Fanny. Bonsoir. Oh, j'adore. Ma voix ? Ouais. Ou alors tu aimes bien parler de sexe ? Ouais. Parce que moi, t'inquiète pas que c'est resté dans un mais coin de la tête. Mais je sais hein. Bien, mais que c'est pas que dans un coin, ça on le sait tout. Oh oui, et si c'est tu pas savais, que dans la tête. Dans ouais. Tous les coins, ma belle. Moi, toutes ces femmes, ça me fait des trucs. Salut Sonia. Salut. Eh bah dis donc. Quoi ? Toi, ça te fait rien là, ma bah, voix. C'est par pas contre. Que ça me fait rien, c'était un peu genre salut. Oui, j'essayais de faire différentes Fanny, elle est tellement au top que c'est oh. Difficile, je comprends. Ah oh, Sonia. Tu sais que normalement, faut faire semblant qu'on s'est pas encore vu ce soir. Ah, d'accord. Putain, salut. Bonjour, salut, ça va ? Eh bah, ben franchement, c'est vachement. Mais Sonia, je voulais faire actrice dans une autre vie. Qu'est-ce qui t'arrive, Sonia ? Tout va bien ? Ça va. Ce soir, on accueille pour la deuxième fois dans notre saison d'Autour d'elle, on accueille notre douce et adorable Alice. Bonsoir. Eh oui, voilà. Oh. C'est moi. Bonsoir. Macha Meryl, qui a été opératrice sur le téléphone rose il y a quelques années. Tout hein, à fait. Quand t'avais encore 50 ans à peu près. Quand le Minitel existait encore. Ça date. Hein. 36-15, Alice. On se rappelle, hein, Alice, elle est déjà passée nous voir dans l'émission pour faire sa petite rubrique complètement adorable. Est-ce qu'elle a changé de nom, la rubrique, ou pas ? Bah non. Non, donc le parallèle par Alice. Bah, oui, bon. Ouais, c'est une petite rubrique d'Alice, ouais, ou je sais pas. La rubrique ouais, d'Alicette. La rubrique Malicette, rubrique voilà. Alice ou net. Bon. Ouais. On va se calmer. On retrouvera ta rubrique un petit peu plus tard ce soir. Et alors, on a beaucoup de chance ce soir parce qu'on a une invitée privilégiée. C'est oui, je dis invitée hein, parce que du coup, vu qu'elle arrive après le début de l'émission, je dis tiens, je suis arrivée pile à l'heure, pile poil. Salut Gaëlle. Salut Charlotte. Salut. Alors Gaëlle, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un souci déjà de planning parce que d'accord. Je fais tout à la dernière minute. D'accord. Et un souci informatique aussi. D'accord. En fait, du coup, ça m'a mis un peu à la bourre. On gérera ce petit souci informatique ouais. Du coup en off, puisque nous avons une équipe technique du feu de Dieu. Vous avez remarqué le petit blanc au début de l'émission. Ça, c'est le professionnalisme, quoi. C'est moi en fait. Voilà, c'est moi. Je m'entraîne à réaliser une émission et du coup, bah, des fois, j'ai pas bien compris les boutons, que quoi qu'ils servaient quoi à quel moment. Mais dis-moi, ça fait pas 5 émissions déjà que tu t'entraînes ? Si. Si, d'accord, ok. On sera bon d'ici la fin de la saison. Ah, de l'année prochaine. Et après, elle arrête, c'est ça ? C'est ça. Oui. D'accord, mais okay. Je suis toujours mon petit papier et je sais pas, ça bug un peu. C'est probablement que la machine change de manière de faire en fait. Je pense. Je pense moi. Que c'est ça le problème. Tu veux nous dire d'autres choses ? Je sais pas, comment ça va dans ta vie ? Non. Bah, j'aimerais dire bonsoir au public. Vas-y. C'est ton moment. Bah, bonsoir, moi c'est Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Charlotte. Merci. Merci, j'adore entendre mon prénom dans vos bouches. Alors, ça fait combien de temps que tu as arrêté l'alcool ? L'alcool, je sais pas, mais la cigarette, ça fait 4 jours et c'est horrible. Sérieux ? Oui. Ah merde. Ah, je suis pas Merde. Je suis pas hyper en forme là, telle que vous voyez. J'ai un peu les mains froides. J'ai c'est pour ça que t'es comme ça alors. T'es sûr que tu veux qu'on en parle, Charlotte? Non. Oui, t'es sûr. Surtout pas avec toi, ouais. Non, j'ai pas vraiment, justement. On a une histoire pas fameuse avec Gaëlle, mais ça, c'est dur. On vous la racontera. Non, mais c'est pas ma semaine, c'est pas ma fête aujourd'hui. C'est pas ta fête. Dis-moi, ma Fanny, est-ce que tu peux nous rappeler les petits moyens de com pour parler avec nous ce soir? Mais bien sûr, j'ai habitude maintenant. Alors, vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur www.rmg38.net, voilà. Vous pouvez aussi nous envoyer vos petits messages sur Facebook. On a une page Facebook dédiée parce qu'on est grave des Jones. C'est autour d'elle, donc vous cherchez ça sur la petite barre de recherche. Sinon, on a RMG officiel, parce qu'il faut bien que ce soit officiel, parce que je suis sûre qu'il y a des petits RMG qui sont pas nous, mais nous, on est les vrais, voilà. Vous pouvez aussi nous joindre par Twitter, donc c'est @RMG38, et vous pouvez nous écouter sur iPhone, sur Android, avec l'application TuneIn. Oh, wow. Bravo. Ouais, je sais, c'est le professionnalisme. Merci Fanny. Hein, Un an de radio. Oui, un an. Et oui, ding ding ding, ça se ding, fête. Ding, ding. Bravo, ça y est, ça s'est fêté. Tu fais ding ding ding pour te moquer de moi parce que je suis folle, c'est ça? Parce que t'es grande. Ah, d'accord. D'accord, voilà. Du coup, ce soir, on retrouve dans notre grille de programme, on aura le truc drôle, hein, rappelez-vous, ce moment où on s'humilie chacune son tour, et notamment Sonia, vu que c'est notamment. Sonia qui doit toujours raconter une blague en fin d'émission, et du coup, on rit d'elle, voilà. Donc, c'est le petit moment humiliation, comme on les aime, un peu piquant, mais toujours touchant. Sur Autour d'elle, nous aurons la rubrique, mais, rappelons le concept, il n'y en a pas. Fanny parle de quelque chose qu'elle a aimé. C'est un peu comme ma vie, pas de concept. Pas de concept, mais je suis assez fidèle. Beaucoup d'improvisation et beaucoup de talent. Nous aurons le Parlons-en, et avec une introduction fameuse de notre amie Alice. Le parallèle par Alice. J'aime ce nom. C'est sexy quand tu le dis comme ça, j'aime beaucoup. Ouais. Nous aurons la rubrique Cinoche cette semaine, on parlera du film Moonlight. On aura la rubrique Musique par Gaël, mais vu que du coup Gaël, voilà, voilà, on rappelle du coup l'heure tardive. On va tout de suite écouter notre douce Sonia qui a testé quelque chose pour nous cette semaine. Oui, pour vous, rien que pour vous et que pour vous, je me répète. Pas pour les auditeurs. Un peu quand même. Question piège. Si, un peu. Question piège. J'avoue, c'était pute. Je suis désolée, je la retire. Tu vas écouter dans mon introduction, pute, ce que je vais dire. D'accord, merci. Voilà. Voilà, depuis 3 ans maintenant que Autour d'elle existe, j'ai testé pas mal de choses pour vous, chers auditeurs et auditrices. J'ai pris pas mal de risques. Rappelez-vous, le fiche pas, la pole dance, manger des insectes, l'acrobranche, se faire couper les cheveux dans un salon de coiffure et d'autres. Mais là, le test que j'ai réalisé cette semaine, c'était de plus loin le plus difficile de tous. Ayez peur. Et on peut dire que j'ai donné de ma personne. Le test, c'était... être enceinte. Et oui. Enfin, donner. J'ai vraiment t'as donné ta personne, moi j'aime bien cette investissement reçu, personnel bon. Là, c'est bien. Belle énergie. Mais elle l'a fait que pour ça, hein, que pour l'émission. Mais c'est ouais, pour RMG, hein, je ferai tout pour Autour d'elle. Et pour vous, être enceinte, ça veut dire quoi brièvement? C'est positif, négatif, la grossesse? Vomir ses tripes, être gonflé. Plus pouvoir marcher sans dandeliner de gauche à droite. Pondre un œuf. Et avoir un alien dans le bide. Vous avez vu le film Alien? Personnellement, ça c'est ma vision la plus idyllique de la grossesse. Donc c'est dire la pire version. T'es une femme, t'es censée avoir envie de ça, tu sais. Merde. C'est dans les gènes, c'est. J'ai ancré, oublié mon vagin à la maison. Paraît-il. Ouais. Et ben vous me connaissez, vous m'avez vu, donc vous avez fait la description telle quelle. Mais sinon, moi j'avais toujours entendu dire que c'est merveilleux d'être enceinte, c'est épanouissant, c'est magique de voir la vie dans son ventre. De voir son ventre s'agrandir. De devenir grosse, tout ça. Non, mais lui, dis pas ça, elle l'a été. Je le suis toujours d'ailleurs. Sonia, tu t'égares là. Oui, pardon. De voir que les femmes enceintes sont toutes belles, donc j'entendais toutes ces choses. Mais foutaise! On se fout de vous, je dirais même plus qu'on vous ment. On nous ment. C'est le plus gros complot de tout l'univers, un complot mondial. Sachez que toutes ces personnes qui vous le disent et qui vous ont dit ça vous mentent. Ce sont pas vos amis, ce sont des ennemis. Rayez-les de votre liste d'amis, de votre répertoire, effacez-les. Et si c'est vos parents, bah, je vous dirais, bah, reniez-les. Être enceinte, en vrai, c'est quoi? Être enceinte, en vrai, c'est... Écoutez bien, ça arrive, on entend. Oh, un petit coup. Voilà. Alors, explique-nous. Ça un passe peu, mieux la deuxième fois. Ouais. On peut l'avoir en boucle encore? Oui. Jusqu'à la fin de l'émission. Oh, voilà, je vous fais un petit son plus doux. Donc c'était vomi. Eh ben oui, tu vomis du début à la fin, de 3 à 10 fois par jour. Quand tu as faim, tu vomis. Quand tu as mangé, tu vomis. Quand tu réfléchis, tu vomis. Quand tu ne réfléchis mais pas, du tu début vomis. À la fin. Quand tu tweets, tu vomis. Ouais. Quand tu vas. Oui, du début à la fin. Tu as une petite pause où tu ne vomis pas, mais tu as des nausées en continu. Ah bah ça c'est... va. Oui, ça va, c'est ça passe. C'est beaucoup mieux. Ouais. En fait, c'est un remake de La Cité de la Peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film. Oui, c'est, il, voilà. C'est, il est dans mes top films. Justement pour content, ça. Il est content, il est vomi. Les années 90 sont arrivées. Elles veulent que tu leur rendes leur... leur blague. Ouais. Bon, ça c'est essentiellement le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, ma gynéco m'avait rassurée. Elle m'avait dit, le plus difficile c'est le premier trimestre. Le deuxième trimestre est épanouissant. Donc j'attendais ça avec impatience. Et bah faux aussi. Elle t'a menti. Elle m'a menti. Je suis au regret de vous le dire. Parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dans le mot grossesse, il y a quoi ? Gros. Il y a grosse, c'est ça. Et oui, avec le deuxième trimestre, hormis les seins qui grossissent, bon, pour certaines, c'est positif, il y a le ventre, les jambes, les cuisses, les pieds, les bras, les mains, le nez, la bouche, le visage, enfin tout, quoi. Tout, toi, est-ce tout que tes cheveux ont grossi ? Non, parce que... Non, tu les perds, les cheveux. Ah, oh, merde. Putain. Désolée. Tu perds tes cheveux. Ouais, ouais, en mode bold. Je n'ai plus des cheveux, mais c'est pas grave, je suis maman. Je suis épanouie. L'amour de ma vie qui me déchire la chenèque. Mais c'est pas grave, je suis maman. C'est l'essentiel. Il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de respect pour moi-même. Mais c'est pas grave, je suis maman. Mon mari non plus d'ailleurs. Mon mari non plus. Et ouais, avec tous ces œdèmes, tout ce poids pris, 24 kilos pour moi. Et bah, je ressemblais à un bonhomme Michelin. Comme toutes les femmes enceintes ne sont pas grosses, c'est faux. Tu prends du poids, donc, avec le poids, tu as du mal à bouger, tu as du mal à respirer. Pour bouger, en fait, il faut limite compter Litroy. La nuit, il faut réveiller le père de ton enfant pour qu'il te tourne et te mette sur le côté. Quand tu es sur le côté. C'est horrible, ça. Oui, tu le réveilles parce que tu veux retourner sur le dos. C'est Gaëlle, ce qui me plaît le plus dans l'histoire. Ouais, ça me donne vachement envie. Je vais le marier. J'ai peur, tu vois la peur dans mes yeux, là. Je vois. Ce soir, elle va se gober 5 pilules, tu vas rien comprendre. Ça ne marche pas. Et oui, il faut bien que le père serve à quelque chose. Et vu que tu as pris du poids, bah, ton corps a du mal à supporter toute cette surcharge. Donc, ça va avec sciatique, canal carpien. Et du coup, il faut aller au kiné au moins 2 fois par semaine. Sauf que si vous avez suivi, vous avez déjà du mal à bouger. Donc, aller chez le kiné, faut le faire. Tu peux pas habiter chez ton kiné, genre par intermittence Je pense que c'est possible. Ton mari est kiné, sinon. Oui, sinon. Autrement, oui, aussi. Oui, mais alors là, l'intimité, excuse-moi. Chérie, j'ai les genoux qui craquent. Attends, je vais te faire un frottis, t'inquiète. Les Alice, kinés font pas ça. Tu vas chez quel kiné? Exactement. Un homme d'approximativement 70 ans, très gentil. Méfie-toi, demande-lui ses diplômes. Kiné, gynéco, tout ça en une seule personne, c'est un peu Dieu le mec. En fait. Et bah, du coup, bah, moi je suis sûre que ma kiné, elle s'est offerte une piscine après ma grossesse, hein, avec le nombre de fois où je suis allée la voir. Bah après, je vous passe tous les petits problèmes digestifs, style constipation, remontée gastrique, hémorroïdes. Et un jour quotidien pour moi. Méfie-toi, tu fais peut-être un déni de grossesse. Ah merde, ça me ferait chier. Méfie-toi. C'est merci. En tout cas, on passe un bon moment. Ah bah oui. Non, mais moi, je dis les choses telles quelles. C'est un vrai test que j'ai subi pendant 9 mois et je préfère dire la vérité aux auditrices. Vivement la prochaine fois que tu seras fécondée. Pas de sitôt, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. T'es prête à refaire le test ou pas ? Je pense que je vais me faire ligaturer les trompes. J'ai bien réfléchi. C'est une décision mûrement prise. Ah bah t'as 9 mois pour la réfléchir, cette décision. Crois-moi que tu l'as réfléchi mûrement. Et si tu veux mon avis, tous les jours, tu te dis plus jamais ça, mais plus jamais ça. Il vaut peut-être mieux réfléchir la décision avant de la prendre. Ah bon ? Moi, je suis jamais comme ça. Ça m'a toujours réussi. C'est profond ce que tu viens de dire. Maintenant, je vis sous les ponts, mais écoute, je suis très heureuse. J'ai vachement bossé avant. J'ai l'émission, tu vois. J'ai hyper bossé. Je me suis dit, merde, pourquoi on réfléchit pas avant de faire pourquoi ah. Si seulement c'était la solution. Et Gaëlle, t'as réfléchi pendant cette semaine où tu devais pas fumer? Pas du tout. J'ai pas trop réfléchi, non. Parler de cigarette et de grossesse en même temps, je trouve ça dégueulasse. Ouais, c'est mal. Vrai. La en plus, cigarette, c'est mal. Tu dois arrêter la cigarette. Oui, mais comme j'avais jamais pris, donc, ça n'a pas été trop un gros problème pour moi. Mais c'est un truc en plus. Ouais. Pour... Mais j'ai failli la prendre avec tout le stress, tous les problèmes. J'ai failli m'y mettre. Je suis devenue alcoolique. Je commence à fumer enceinte. À fumer et à boire. Bon, vient le troisième trimestre. Vous êtes contente? Vous dites c'est bientôt la fin. J'ai hâte. Ouais. Et ben les contractions arrivent. Et tu dis, oh, ça, je travaille, je ne sais pas si c'est des vraies contractions, s'il faut que j'aille à l'hôpital, si je vais accoucher. Puis tu dis, ah, mais ça va finalement, je gère, je n'aurai pas de péridurale. Bah oui, c'est tellement simple. Et ben non, croyez-moi, les vraies contractions, on les reconnaît. Tu chiales ta race. Expression, voilà. Et la péridurale, bah, je l'ai demandé dès le début, hein, dès que c'était possible. C'est ce que j'allais dire. Ouais, j'ai hurlé, on m'a fait venir un anesthésiste tout de suite. Donc, pas si vaillante que ça. Bon, en même temps. Et tout le monde te dit, tu profites de dormir avant que le bébé arrive. Parce qu'après, quand il va être là, tu pourras plus dormir. Toutes ces paroles sages. Ha, ha, ha, ha. Comment tu veux que je dorme, grosse comme je suis, avec un bébé dans le ventre qui profite de faire la Java la nuit. Exprès, c'est la teuf. Lui, c'est la boîte de nuit toute la nuit. Et vu comme je respire, c'est impossible. Donc voilà, mais c'est pas le pire. Le pire, en fait, c'est que tu n'as plus. Ah non, c'est pas encore ça. Ah, mais ça, c'est drôle là encore. Moi, je m'amuse. Ah ouais, d'accord. Quand t'es enceinte, appelle-moi. Il y a pas de problème. Je m'amuse. Je t'appellerai en pleurs, je pense. Sûrement. Le pire, en fait, c'est que tu n'as plus d'intimité. Déjà, tous les mois, tu vas montrer ta partie la plus intime au gynéco ou à la sage-femme. Mon cerveau. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais par le bas, hein, elle commence à regarder. Et quand tu accouches, il faut savoir qu'il y a sage-femme, gynéco, auxiliaire, anesthésiste. Et pour peu qu'il y ait des étudiants, et ben voilà, ils sont une dizaine dans la salle à regarder ton petit minou et à bien regarder, quoi. Limite, ils ont le nez dedans. J'ai envie de dire paye ta schneck. Je pense que c'était tout à fait approprié. En fait. Merci. Ouais. Et autant dire que ça continue après l'accouchement parce qu'il faut surveiller cette zone-là, etc. etc. Mais ce n'est pas le sujet, on est d'accord. Je m'énerve, excusez-moi. Vas-y. Et il faut savoir que tu n'existes. Ouais, mais c'est les émotions qui reviennent comme ça. Elle pleure presque en fait. C'est postpartum. Mais de douleur, hein. Ah oui. C'est pas du bonheur, hein. Ouais, je suis assise sur ma douleur. Et tu. Oui, parce que j'ai eu une épisiotomie de. Tu peux pas faire pire que ça en fait. C'était une opération à cœur ouvert. Bah là, c'était une opération à minou ouvert. Et faut savoir que tu n'existes plus en tant que personne. En fait, les gens, ils te regardent plus dans les yeux. Ils regardent ton ventre. Et les gens croient que c'est du domaine public. C'est libre accès. C'est-à-dire qu'ils te touchent ton ventre comme ça tout le temps. C'est des gens que tu connais pas encore. Quand c'est des gens que tu connais, qui te demandent la permission, bah, ma foi, vas-y. Mais sinon, on va toucher le bébé. Oh, le ventre, il est beau. Ouais, le ventre, il m'appartient, en fait. Quel est le toucher le plus improbable que tu as eu et le plus gênant? Attends, le toucher de ventre. Non mais du coup quelle personne? Oui. C'est un. Ah oui. Oh. Hein. C'est un vigile à. Oh non. Dans un supermarché. C'est c'est pour bientôt, il m'a dit. J'étais enceinte de 6 mois. La détresse. Il me restait 3 mois encore. Hein. Donc voilà. Pour bientôt, oui. Bon. Ouais, j'avais envie de chialer. Ensuite, vient l'accouchement. Tu n'as pas déjà parlé de ça? Non, pas on encore. T'es fait couper la schneck à cœur ouvert. Ouais, mais bon, ça parce c'était. Tout ce qui a retenu. On l'a pas déjà dit. Mais quoi, tu veux que ça se finisse? Je sais pas, j'ai tu veux que j'accouche? En fait, j'ai chaud. J'ai ramené des fraises au fait. Ah, tu savais. Ambiance. Et vous dites accouchement, délivrance? Non, souffrance. Ma gynéco m'avait dit grossesse pourrie, accouchement réussi, que dalle. C'est encore une fois faux. Elle a oublié de me parler des 30 heures et demie de souffrance de travail pour sortir les 3,621 kg de bébé. Elle faisait à moitié de ton poids, quoi, là-bas. À la base, ouais. Tu penses vraiment qu'elle fait 6 kilos et tout? C'est chaud, 6 kilos, quand même. Bah, elle est toute mince. Non. 6 kilos, c'est même pas mince, hein. C'est, c'est moi, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Des poses de perfusion ratées, des épisiotomies, enfin, tous les petits trucs, petits détails. Ah oui, encore un petit détail. Faut dire adieu à votre corps, hein. Faut faire son deuil. Parce que vous le retrouverez plus jamais. C'est fini, votre corps de rêve. Le bikini. Ah, c'est fini. Là, c'est plus un bikini, c'est une burqa qui est un burkini qu'il faut que tu portes. C'est donc ça. C'est pour ça. C'est ça, le burkini. Je comprends mieux. Toute cette polémique pour rien, franchement. Bonjour. Ça, c'est encore les femmes. Bonjour, ventre et simple pendant, vergeture. et prévoyez les ténia. Vous connaissez ces couches là pour les futurs urinaires? Non. Les ténia. Les ténia. Ténia. En fait, tu n'étais pas enceinte d'un bébé, mais d'un ténia. C'est ça. C'est pas pareil. Parce que fuite urinaire 2 à 3 fois par jour. Faut pas tousser. Faut pas. Faut pas rire. Quand? Après l'accouchement. Combien de temps? Tout de suite. Hein. J'ai envie de te dire tout de suite à un an après, par exemple. Ouais. Eh ouais. Monseigneur, je prie pour que nous soyons pas toutes faites pareilles. on dit qu'on oublie après. Il faut 9 mois pour faire un bébé et 9 mois pour récupérer de sa grossesse. On dit ça aussi. Bah moi, ça fait bientôt un an et je suis toujours pas remise et j'ai toujours pas oublié. Hein, je vous le dis. Bon, après, comme tu dis, il y en a pour qui ça se passe bien. Sauf que il y en a, c'est jamais toi. C'est celles qu'on appelle les pétasses, non? C'est ça. Ah. Et bah ces pétasses-là, je suis allée les voir quand j'avais 9 mois. Ma petite avait 9 mois. Elle avait accouché la veille. Elle venait de remonter. Elle était maquillée, toute pimpante. Elle marchait normale, souriante. Et moi, j'avais juste du mal à me déplacer. J'étais au bout de ma vie, donc j'avais envie de la tuer. Oui, mais après, mais je me suis dit, ça fera une orpheline dans le monde. Donc, non. Circonstances atténuantes. Hein. Oui, c'est vrai. Et du coup, que je n'entende plus jamais dire que la grossesse, ce n'est pas une maladie. La grossesse, c'est pas une maladie. Alors pourquoi tu vomis? T'as une sciatique, t'as des problèmes respiratoires, digestifs, une cicatrice et encore plein d'autres choses. Mais quand même, il y a des points positifs. S'entendre dire à 11 mois, ah, mais t'es enceinte du deuxième. Non, c'est juste que j'ai pas perdu, pétasse encore, mes kilos de grossesse. Mais non, je plaisante, il y a des points positifs. Avoir des gros seins. Oui, ça oui. Sympa les boobs. Ouais, ne pas. J'aime les boobs. Ne plus avoir ses règles, voir son bébé aux échos et surtout passer aux caisses prioritaires quand t'es enceinte, c'est le kiff. Je regrette que ça. Alors je passe un petit appel. Si quelqu'un veut me mettre enceinte, j'en ai marre de faire la queue. Simère, Zoubi. Au revoir. Je suis un bon parti. Mais au final, je tiens quand même à dire que je suis vachement heureuse d'avoir ma petite. Elle va avoir bientôt 1 an ce dimanche. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai. C'est un vrai bonheur tous les jours. C'est ma petite Choucha. Et je lui fais plein de bisous. Si elle entend plus tard cette émission, je regrette pas une seconde ce que j'ai vécu et ce que je vis maintenant. Parce que c'est trop de bonheur et trop émouvant. Et plein de bisous, bisous, bisous. Voilà. Ma petite, j'ai envie de pleurer. Tu diras moins ça quand elle sera ado et que ta deuxième grossesse partira, c'est-à-dire la grossesse du deuil du départ de ton petit bébé. Je m'en fous, je lui dirai tombe enceinte. D'accord. Un bébé, comme ça je me vengerai. Ok. Elle ressentira ce que j'ai ressenti. C'est ça. Et je pense que c'est très sain. Ouais. C'est très sain de réagir comme ça. Mmh. Je crois qu'il faut qu'on fasse, enfin, toutes nos angoisses et tout ça, faut qu'on les fasse retomber sur nos enfants. Ouais. Sinon, à quoi ils servent? C'est clair. J'adore cette émission. du coup, donc, alors toi, ton test, ça a été de tomber enceinte. Ouais, très c'est bien. Ça. Donc, tu l'as fait pour l'émission, en fait. Que pour l'émission, autour d'elle. Donc, tu peux nous rendre le bébé maintenant. Oui. sachez que bébé aura un test dans 2 semaines. Du coup, je m'en sers, hein. Vu que j'ai fait pour l'émission, autant s'en servir. Elle aura testé la Happy Baby Box et elle vous en parlera. Oh, génial. Ouais. Elle nous en parlera. C'est vrai, on va avoir des RER. Ouais, elle risque de vous dire quelques mots. Oh, nounette. Est-ce qu'elle aboie? Non, mais elle fait le tigre. Non, mais je trouve ça cool. Elle fait le tigre. Oh, c'est vrai? Ouais. Trop belle. Tu lui apprends le premier bébé RMG, je crois. Ouais, c'est la première, ouais. C'est la première. En même temps, il y a beaucoup d'hommes aussi dans RMG. C'est vrai, trop. Et les hommes? Ouais. Faut voir les cas aussi qu'on a. On a quand même une sacrée tonne de cassos. Hein. Oui. Du coup, merci beaucoup, ma Sonia. On a hâte d'entendre ton prochain test. Ton petit bidou, il nous manque un peu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de petit bidou. Il est dans ta tête, hein, ce petit bidou-là. Attends que je lève mon t-shirt. Bah oui, non, on veut bien. C'est la meilleure partie de l'émission, c'est le off. On enchaîne tout de suite avec une petite pause musicale. Notre Gaël. Alors, on a un petit mot quand même de Monsieur Chat. Rappelons que Monsieur Chat est le compagnon animal de Gaël. Parce que c'est un chat. Coucou les filles, Gaëlle, je t'entends pas, tu es toujours aussi motivée, je sens l'ironie un petit peu à ce niveau-là. Il se moque de moi, parce que je l'avais au téléphone dans le tram en galère, je dis putain je vais être en retard et tout, mon ordi marchait pas. Et du coup Monsieur Chat, c'est normal que tu l'entendes pas parce qu'on l'a puni et on l'a mis en deuxième dans l'émission. Donc tu sais plus la star de l'émission, c'est la deuxième star, voilà, c'est comme ça. Du coup, non mais écoute Gaëlle, si t'es pas sérieuse aussi... Non mais attends, mais c'est moi qui ai la dernière chronique de l'émission, ça veut dire quoi?

Jour sur RMG. RMG. I turn it up loud. Écoute. Réagis en direct et gagne des cadeaux. RMG. La première web radio de la région. Mes chers amis, il est 21h02. On est de retour sur Autour d'elle en direct. Toujours de la beauté et du glamour. Quelqu'un fait un petit rot? Ouais, merci. Il suffit de demander. J'aime cette spontanéité. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Vous je comprends vu, pas d'amour. Pourquoi. Je comprends pas pourquoi les gens disent que je suis pas féminine. C'était gras d'amour. Moi, j'ai bien aimé. Ah ouais, ça, c'était bien gras. C'était dégueulasse. Qu'est-ce qu'on aime quand c'est comme ça? Est-ce qu'on peut dire qu'elle revient? Elle revient de loin. Elle revient d'un tram. Elle revient d'un ordi cassé. Elle revient de. Eh ben, Madame Chat est là ce soir. Madame Chat, c'est la femme de Monsieur Chat. Monsieur Chat, c'est qui? C'est notre plus fidèle auditeur. Notre seul et unique. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas vrai. Qui se demande pourquoi sa Madame Chat n'est pas intervenue en début d'émission. Rappelons-nous, hein, Gaëlle, Madame Chat. Et donc, cette animatrice surdouée en musique populaire, notamment, et qui nous présente en premier sa chronique et ses musiques qui seront colonne vertébrale de l'émission. J'ai tout dit tellement rapidement, c'était magnifique. Du coup, Gaëlle revient avec nous ce soir. On a un petit peu changé les rubriques, mais elle est là. Elle est disponible. Elle est là pour ses auditeurs. Elle est là pour la passion de la musique. Tout à fait. Bonsoir, Gaëlle. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là, mais je suis en deuil. Et oui, parce que mon binôme n'est pas là. Mon binôme habituel, notre petite Margot. Elle est morte ? Elle est pas morte. C'est donc ça ce que veut dire l'expression boire du vin avec ses parents. C'est le paradis en fait. Elle est peut-être au fond du caniveau effectivement. On ne sait pas trop. Tu vois ton hamster Il est allé boire du vin avec ses parents. Oh, c'est un petit chaton Margot. Moi je voyais un petit chaton en train de laper du vin et tout ça. Ouais. Ouais mais le chat c'est toi. Ouais c'est vrai. Donc C'est vrai. Hamster. Ouais. Un petit hamster. Allez, un petit hamster. Du coup, j'avais prévu une petite chanson en hommage à Margot, qui n'y aura pas, mais je peux la chanter. Vas-y. Avec ma voix oui, magnifique. Oui, merci, ouais. Mais tu n'es pas là. Ah, voilà, je rêve tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. C'était merci. Qui cette voix hyper grave? C'était moi. Je croyais qu'il fallait un contre-cœur. J'ai cru qu'il y avait un homme qui chantait, quoi. Elle s'est lâchée, elle a toujours voulu faire ça. Elle chante trop bien, Alice. J'adore les karaokés. Soirée j'adore karaoké prévue, un de ces quatre, effectivement. J'adore. Bon, alors on lui passe le bonjour à notre petit hamster Margot, hein? Mais il a fallu que je bosse, du coup, puisqu'elle n'était pas là, parce que d'habitude, bah, c'est elle qui bosse. Enfin, je la fais bosser comme une esclave et je la paye même pas. Et en plus, je la frappe des fois. Ah ouais, voilà, j'avoue. T'as bien raison. Voilà, et elle fait tout le boulot. Donc là, j'étais un peu dans la merde quand même. Enfin, excusez-moi pour l'expression. Je trouve que c'est très efficace. Souvent, je frappe Fanny. Oui. Et bah, du coup, elle est beaucoup plus gentille. Ah oui. Gentille, je sais pas. Productive, je sais pas. Mais en tout cas, le stress augmente. Non, mais si, quand même. Non. Oui, oui, ah ouais, je suis assez fière de toi. Non, vraiment. Vraiment. C'est à refaire en tout cas. Tu me frapperas plus alors. Hein enfin. Pas si, justement. S'il te plaît. Calme-toi. Donc, je vais continuer à frapper Margot, je pense. Apparemment, c'est validé par l'équipe. Donc, c'est validé, tout c'est, va validé. Bien. C'est validé. C'est une méthode de travail. Ah, on soutient les droits de l'homme. Voilà. Toujours. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais rester dans l'actu du moment. Hein, un petit peu comme on avait fait depuis la rentrée de janvier. Je vais essayer de vous faire deviner un petit peu le sujet du jour. Si je vous dis Alexandre Desplat, Hans Zimmer, Ennio Morricone, mais oui, bien Daniel sûr. Elfman, les musiques de films, meuf. Ouais, wow. Comme si tu savais pas avant, parce que je te l'avais dit. Zimmer, meuf, Hans Zimmer, Ennio Morricone, j'ai les albums. Ouais. T'as un album de Hans Zimmer? J'ai un album d'Ennio Morricone, pour tout dire. Et de Hans Zimmer. Zimmer, j'aime beaucoup. La soirée chez Chach, c'est génial. C'est un bar. Ennio Morricone, musique des westerns. Non mais oui, non mais j'adore. Tout à fait. Bien. Et autres films d'ailleurs, pas que des westerns. Mais tout à fait. Et Danny Elfman, ça vous parle, Danny oui, Elfman? Oui, mais bien sûr. Et ouais, les Simpsons. Ah, c'était Simpsons, donc ça. Ouais, le générique des Simpsons et bien d'autres films, beaucoup de films de Tim Burton, Daniel. Et c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'adore. Ouais, c'est facile de dire ça après. vrai ridicule. Vraiment, tu reprends ta vraie voix en fait. C'est perturbant. Je la prends là. Merci, c'est gentil. Moi, j'aime être dans un rôle de composition. C'est Ennio Morricone, ça lui fait prendre une autre personnalité. D'un ceci coup. Dit, j'ai une érection sur Ennio Morricone, vraiment. Sur un. Putain, j'ai bouffé le nom du film, j'adorais. Et en fait, c'est une vidéo qui tourne sur YouTube où il y a un orchestre symphonique, un énorme orchestre de peut-être une centaine de personnes et avec une cantatrice qui chante, elle a une robe rouge et tout. Et lui, il est là derrière et il gère l'orchestre devant un public. Et c'est. Putain, je mais sais c'est donc ça film. Que les vieux regardent sur Facebook. Non, mais c'était incroyable. C'est une musique qui est incroyable et du coup j'ai un souvenir très fort. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais pour de vrai. Ouais, mais c'est vraiment. Bien. Je valide. Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est bien, c'est génial. Merci, Isha. Donc effectivement, le thème de la chronique, c'est les musiques de films, les bandes originales, comme on appelle ça. Cette petite touche d'émotion qui vous fait pleurer, rire ou pisser dans votre culotte quand vous regardez une scène, ou en réalité, si vous coupez le son, eh bien il se passe pas grand-chose. C'est juste deux acteurs qui se parlent, et on n'entend rien, pas d'émotion, rien ne se passe. Et ça, le cinéma, il l'a compris depuis le début, avant même que les acteurs, effectivement, ils se mettent à discuter entre eux. C'était la musique qui faisait tout dans les films muets, en fait. Et là, on a un petit extrait. Vous vous rappelez certainement de ce genre de petits sons dans les films comiques des années 30, on va dire. Ah, on le repasse, hein, parce oui, qu'on aime. Ouais. Et est-ce qu'on peut faire un petit mélange avec la gerbe avec le et après, on remélange non et on met un peu de beat derrière. Enfin, de beat. Ah, de... Pardon. Ça fait du son, ça. Excuse-moi. Là, ça part en vrille. Je prends mes complet. Rêves pour des réalités. C'est ça. Ça... Calme-toi, Fanny, calme-toi. Fiez-moi. Voilà, alors dans les jeux vidéo aussi, ils ont compris que la musique, c'est ça qui faisait tout. Qu'est-ce que serait une partie de Gran Turismo sans un son des Chemical Brothers pour vous défoncer la tête pendant que vous conduisez votre putain de bagnole? J'aurais plutôt parlé, excuse-moi, j'interromps ta chronique vas-y. Pour reparler comme un homme de jeux vidéo. N'hésitez pas à écouter les bandes originales de Silent Hill. Akira et Yamaoka les a tous faites, sauf la dernière. Et c'est crois pas. Excellent. C'est du délice pour les oreilles. Et ma préférée, c'est Promise. Merci. Ouais, j'en étais sûre que ça allait lui plaire à la geek de l'émission. J'en étais sûre. D'ailleurs, c'est toi qui m'as donné un petit peu l'idée quand on a parlé. Oui, je sais. Juste les filles, est-ce qu'on peut se promettre d'ici la fin de l'émission de plus faire de d'accent c'est pas possible. Ça en fait, fait mal. Tu ça souffres va être difficile. Ah, je souffre. Parce que je veux j'aime continuer. Bien ça. Tu sais, on s'en rend plus compte à force. Bon. Moi, ça vient naturellement. Je sais pas. Je sais c'est les autres personnalités. Moi, j'aime l'accent de la cagole. Bon, alors revenons à l'actualité, parce que là, je vous ai annoncé un petit peu le thème. Alors, si j'en parle, c'est parce qu'on a eu les Oscars et les Césars ces 15 derniers jours. Cérémonie qui récompense les bons films ou les mauvais films, ça dépend qui mais regarde qui ont le plus. Film, selon son point de vue. Et qui récompense du coup forcément les meilleures musiques de films. Alors, commençons par les Oscars. Il faut savoir que c'est Disney qui a raflé un paquet d'Oscars pour la meilleure musique originale depuis le début de cette cérémonie. Avec La Petite Sirène, par exemple, Aladdin, mais Le tellement. Roi Lion, la ça Louvre. Vous parle non, vous êtes La Reine trop des jeune. Neiges Non, je regarde pas les Disney. Non. Tu sais que la meuf qui a chanté La Reine des Neiges s'est excusée publiquement et tout dans une vidéo. Elle a dit « Excusez-moi pour cette chanson, enfin, je suis vraiment désolée. » Ah, pour les parents, pour ouais. tous les parents qui, l'ont, qui l'écoutent écoutent en boucle. Mmh. Ouais, ouais, bon. Ouais. Ouais, moi, j'accepte pas ces excuses. Ouais, moi, non pas plus. Raison, moi non plus. Mais c'est facile. Il de... y a toujours des classeurs, La ouais. Reine des Neiges et tout. Je, voilà. Bah là, il ouais. fallait que ouais, mais c'est pas de sa faute, les classeurs. Travail. La chanson, oui. Les classeurs, non. C'est lié, c'est lié. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné Disney. Donc, il y avait eu voilà, La Petite Sirène, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, La Liste de Schindler. Ah, c'est lié. C'est Disney, La Liste de Schindler. Non, du ah. tout. C'était une petite erreur, une petite blagoulette. Tu suis, Sonia, c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est la première de la classe. Mais La Liste de Schindler a gagné pour la meilleure musique. Et cette année, qui a gagné les Oscars de la meilleure musique? C'est La La Land, évidemment. Parce que si t'es une comédie musicale et que tu rafles pas l'Oscar de la meilleure musique, et bah c'est comme si t'avais des cheveux et que t'avais pas de shampoing. Non mais allô, quoi. T'as ah. osé faire ça. J'ai osé. On est en 2016. Une grande philosophe contemporaine qui, j'espère, ne chantera jamais. Oh, bah, il y a des risques. Il y a des risques, hein, parce que généralement, les stars de télé-réalité. Bah, déjà, elle a écrit. S'il vous plaît, elle a écrit. Enfin, ah, on n'est pas à l'abri. Elle, hein. elle a écrit. Bah déjà, elle a parlé. Allô, un livre alors, qui s'appelle Allô. Elle a écrit quoi? Un tweet? Un livre? Enfin, qu'est-ce qu'elle a écrit? un tweet qui a été extrapolé jusqu'à être un livre. Non, je crois, ouais, elle a fait un oui, livre autobiographique livre, ouais. aussi. Mais pourquoi t'en as jamais parlé dans l'émission, d'ailleurs? Bah, parce que je suis encore important. En train de le lire. D'accord, c'est un peu trop complexe. Bah, c'est quelque chose que je lis très doucement parce que j'aime vraiment m'imprégner de l'ambiance des livres. C'est 100 pages de pur bonheur et de pure philosophie sur le monde actuel, la situation en Biélorussie, tout ça. Oui, et surtout dans le Moyen-Orient ouais, occidental. Sais, ouais, grave. Ouais, oui, vous pouvez continuer. Très bien. Bon, en 2016, c'était Ennio Morricone qui a gagné pour Les 8 salopards. La musique des 8 salopards, le film de Tarantino. C'est pas du tout mes voisins, les 8 salopards. Voilà. On passe au César. J'ai rien compris. C'est un message perso c'est... Oui, plus ou moins. D'accord. C'est pas grave. Il y a moi qui ris. Hein. Oh, oui, c'est ça, mais Fanny me comprend. Toujours. Ouais. Merci Fanny. Je t'en prie. Au César, qui a gagné cette année? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez suivi l'actualité? Mais qui a gagné quoi? Le film de l'histoire. Où est-ce qu'on est? On est en quelle année depuis le début? C'est quoi le film? Oui, la meilleure musique de film. Ah, mais d'accord, j'ai cru qu'il a gagné comme ça. Il y a plein de prix. C'est La La Land. Je crois que j'aurais pas dû venir. Non, je crois qu'il y avait un signe. Je crois aussi, ouais. Ouais, je crois. C'est pas ma semaine, dis donc. Donc, c'est Ibrahim Malouf. Dans les forêts de Sibérie. C'était ça le titre du film. Ibrahim Malouf, tout le monde connaît. Ouais. Oui. Oh, oui. On a parlé en plus sur les victoires de la musique qu'il a gagné aussi. Mais je savais pas qu'il faisait des musiques de films pour le coup. Et c'est la deuxième fois qu'il fait des musiques de films. La première fois, je me rappelle plus pourquoi c'était. Mais d'accord. Fois, ouais. C'est intéressant. C'était un très bon film, moi j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Alors, à votre tour un petit peu, c'est quoi les musiques de films qui vous ont marqué? John Williams. Star Wars, Indiana Jones, etc. Moi, je suis une grosse reine. Parfait. Il a reçu des prix, d'ailleurs, je crois, aussi. Oui, il a reçu beaucoup d'Oscars. Bah, comme Madame à côté de moi, on se refait pas. Grande amoureuse des Indiana Jones depuis toute jeune et de Star Wars. Oui, gros kiff là-dessus. Et puis voilà. Elle kiffe le fouet. Oui. Puis, bien sûr, les musiques de jeux vidéo, vous savez. Non, j'arrête. Ouais. Sonia, une musique de film qui t'a marqué. Ce rêve bleu. Mais elle chante trop bien. Je n'y crois pas. Voilà. Mais elle chante vachement bien. Ouais, forcément. J'ai envie de chanter la suite. Ça me démange. Envie. On va s'arrêter avec Disney. Je vais mourir sinon. Ça va tu vas vomir peut-être. Je vais vomir aussi, ouais. Ouais. Je suis pas loin. Et chat. À part Henry. En parlant de vomir. Oui. On a un petit commentaire de notre ami Titi. Rappelons que Titi est un fidèle auditeur également, un ami de Monsieur Chat et de Madame Chat. Madame Chat est en Gaëlle, je rappelle pour l'auditeur qui nous rejoint, bien sûr. Hein. Et du coup, Titi nous dit « Hello les filles, Gaëlle, je suis au regret de t'annoncer que je me suis envoyée 3 fois en l'air avec ton mec cet après-midi. Ah, on a pris notre pied. » J'aime ça. Alors, je tiens à Gaëlle est touchée. Que c'est un petit jeu de mots parce qu'ils ont fait du parapente. Ah. Voilà. Ah, ah bah c'est décevant. Réellement envoyé en l'air. Je tiens à sauver mon honneur. Peut-être qu'ils se sont tripotés. Hein. Mais s'ils le font, moi je veux bien une vidéo. Ouais, bah moi aussi en fait. Ouais, ça ouais. Me dérange pas plus que ça. Ouais, t'as bien, je suis ouverte, moi. Je suis une fille bien. Peut-être qu'ils s'envoient en l'air, cool, on s'envoie en l'air. Oh putain. C'est comme j'aime de l'envoyage. Perception. C'était inapproprié, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de souci, on fera une chronique là-dessus sur les meilleures musiques de YouPorn. Oui. Ouais. Hein. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Margot, si tu nous écoutes, est-ce que tu valides ce sujet? Alors, pour ma part, les musiques qui m'ont marquée, pour redevenir un peu sérieuse, il y a Yann Tiersen pour Amélie Poulain. Ah oui. Si on enlève Yann Tiersen dans le film Amélie Poulain, qu'est-ce qui reste? Bah, pas grand-chose. On a un nanar français une avec une mauvaise actrice. Qui travaille dans un bar. Oui. Voilà. C'est ça. Puis vilaine aussi, hein. Bah oui. Vilaine, genre pas belle? Moi, bof. Hein. Oh, sérieuse. Non, moi je dis ça, mais par pure jalousie. Dans Amélie Poulain, pas top. Hein. J'aime bien cette nature. Non, mais j'aime sa nature, mais dans Amélie Poulain, c'est pas top. C'est pas. Le problème, c'est que c'est trop ancré dans les années 2000 maintenant. Tu le regardes, tu. Voilà. T'avais cette coupe-là dans les années 2000, toi? Je n'existais pas dans les années 2000. Mon personnage est né. Elle est apparue au début de sa chronique d'RMG. Ouais, voilà. C'est là qu'elle a commencé à vivre. Je n'existe pas. Ça fait spoiler. Est-ce que vous vous rappelez aussi Eric Serra pour Le Grand Bleu, la musique du Grand Bleu? J'ai jamais vu Le Grand Bleu. Ah, non plus, ouais. Scandale! Prenez 5 minutes. Regardez-le. Ouais, c'est juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Prenez 2h30. Prenez un tête. C'est ça. Bon, alors on va se faire une grosse ambiance érotique sur Le Grand Bleu, Alice. Je pense que. On leur doit ça. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec des dauphins et tout. Ah oui, il y a des dauphins, peu oui. De zoophilie, ça fait pas la personne. Les dauphins. Les dauphins. Et moi, j'ai bien aimé aussi la musique de Into the Wild. Vous vous rappelez le film Into the Wild avec... Je sais pas, j'ai passé trop de temps à chialer. Il m'a traumatisé ce film. Ah, moi aussi. Ouais, moi aussi. Même en colère ce film, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, carrément. Ah, il a rien compris, il comprend, il meurt et tout. Bah ouais, ouais. Ah bah alors, voilà, partez spoiler. Pas de chez vos parents, c'est pas bien. C'est pas bien. La nature sauvage, c'est pas bien. C'est pas bien. Les caravanes. Les ours et son vilain, Sean Penn, enculé. Malgré tout, la musique de ce film a été quand même magnifique et elle a été faite par Eddie Vedder. Parce que j'aime bien aussi quand c'est pas forcément des compositeurs qui font les musiques de films, mais aussi des artistes qui ont des groupes à côté, qui sont des chanteurs traditionnels, on va dire. Et Eddie Vedder, c'est qui? C'est le chanteur de Pearl Jam. Grand groupe de rock des années 90. Tout le monde connaît, tout le monde me regarde avec des grands yeux. C'est pas grave. Margot, où es-tu? Et voilà. Eddie Vedder, on l'a écouté tout à l'heure pendant la pause musicale, c'est la première musique. Hein, exactement, et c'était une chanson de Into the Wild qui s'appelle Society, qui parle de... La société de la société, du système. Abel. Du système qui est bien dans le thème du film. Ah autre... Et elle a une Je me suis rappelé que j'ai aimé une musique de film. Vas-y. C'était la musique de Neon Demon, qui est sortie l'an dernier, qui est juste... Moi j'aime bien tout ce qui est électro comme ça, en plus. Alors là, c'était... Du regard pour les oreilles. J'avais dit que je faisais plus d'accent, je suis désolée Sonia. Encore une fois, je te trahis. Ouais. Alors, autre artiste qui a fait de la musique de film, M, pour Ne le dis à personne. Les meilleurs. Avec les meilleurs. François Cluzet. Et en fait, il avait expliqué d'ailleurs comment il avait fait cette musique. Il avait juste sa guitare et regardait le film et jouait en même temps qu'il regardait le film, ce que lui inspirait les émotions. C'est pas ça un artiste, putain. Des scènes, et voilà. Classe. M, il a également fait, mais avec sa famille, la musique d'un monstre à Paris, qui était un Pixar ou un Disney, j'ai un doute, je ne sais plus. C'est un Disney. Je crois que c'est un Disney. Ouais. Non, c'est. Après, non, je vais rien dire, mais je pense pas. J'ai un doute, mais il a fait la musique de tout ce film et c'était absolument fabuleux. Le film a eu d'ailleurs beaucoup de récompenses, dont la musique. Et il est génial. Effectivement, plutôt doué pour ça. On a eu aussi Goran Bregovic, est-ce que ah ça oui, vous parle? Oui, oui, oui. Qu'est-ce ouais. qu'il a fait déjà? Il a fait Le Temps des Gitans. Ah non, c'était je connais pas, je regarde rien sur les Gitans. C'était la musique de Kusturica, et il a fait La Reine Margot, la par musique principe. De La Reine Margot. Ah non, ça non plus, j'ai pas regardé. J'aime pas Irène. C'est un chanteur, musicien yougoslave, Goran Bregovic. Ouais, mais je dois avoir une chanson de lui sur mon MP3, mais alors laquelle je sais pas. C'est possible. C'est le possible. Nom m'a réveillée. Je me rendors. Très bien. Va jouer aux jeux vidéo, Fanny. Oui. Voilà. Alors, du coup, toutes les musiques de l'émission d'aujourd'hui seront des musiques de films que j'ai kiffées parce qu'on ne s'en tirait pas grand chose si on coupait le son pendant le signal. Parlons un petit peu de ces musiques. Donc, on a la première Into the Wild qui est passée. Après, on avait Only Mystery, Christine and the Queen. C'est une reprise d'une chanson écrite par Eric Serra pour le film Subway avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani. C'est un film des années 80. Ok. Fin des années 80. Ok. Et là, tout de suite, donc là, on va parler Cinoche. Et ensuite, à la pause musicale, on a Gush Follow the Sun. C'est qu'est-ce pour le c'est film Five de Pierre Niney. Ah, bien sûr. Ouais. Non. Il joue dedans Pierre Niney, mais c'est pas lui qui a fait le film. Et avec ses copains, si, en partie. Si. Si. Écoute, on si. Les a vus. C'est excusez-moi, Machin, lui qui je m'endors. Il a écrit le scénario. Machin Goberman, oui, c'est son pote qui a réalisé le film. Mais Niney, il a écrit le scénario. Ouais. Non, un tout petit peu. Il a écrit deux lignes. Les filles. Oui. Notre membre le plus petit, peut-être. Non, non, le non, plus c'est plus thin. Oui, non, le plus thin. Oui, oh, excusez-moi. a quelque chose à nous dire, une information? Non, mais c'était peut-être trop tard et tout, mais en parlant de musiciens pour les musiques de films, je voulais parler aussi oui, de Michel trop Legrand, tard, en fait. Compositeur français. Oui, effectivement. Pour tous les films et tout, de Demi et tout, les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne, etc. Moi, j'adore. Effectivement. Voilà. Que les films de vieux, quoi. Bah, c'est trop bien. D'accord. C'est vrai. Et après, on va passer Good Night Moon de Shivari, c'est pour le film Kill Bill. Mmh. Ouais. Tout à l'heure, on a passé aussi Real Hero de College Youth, c'était pour le film Drive. On l'a passé, non, on va, non, on va la passer. Ouais, on non. va la passer. On j'ai, va la passer. J'ai plus l'ordre, en fait, pour ça. Ensuite, on aura R, Playground Love. Ouais. Petite devinette. Oui, R, ah. je sais pas. Virgin Suicide. Ouais. Oh, ouais. Tout à fait. Voilà. Voilà. Petite devinette, c'était sympa. Hein. C'était drôle. Non, mais j'ai c'est aimé. Important de les relier parce qu'autant la musique avec le film, c'est tout de suite parlant. Autant quand on adapte parfois que la musique sans les images, on est peut-être, c'est plus difficile à retrouver. Merci beaucoup Gaëlle. On va retrouver ta playlist tout au long de l'émission. N'hésitez pas, hein, vous les auditeurs, à questionner. On vous envoie les titres si vous le souhaitez. S'ils vous font du bien plaisir, s'ils vous rappellent de bons souvenirs. Tout de suite, on passe à la rubrique Cinoche. Ah, tiens, c'est moi. Qu'est-ce que c'est vous naturel. Le savez. Oh vous là savez. Là. Vous savez, générique. Ce qui va arriver. Là. Comment on éteint les vous savez ce qui les va écouteurs, arriver. Là. J'adore mon jingle. Voilà. Ah oui, je lance mon jingle. Ah, vas-y. Incroyable. Tout le monde est bouche bée là. Oh, cette femme. Ouais, je sais. Je crois que Gaëlle pourrait faire une chronique sur ton jingle. Elle est tout seule. Je vous remets un petit fond basique et tout. Donc on va aller super vite sur la rubrique Cinoche parce que tout à l'heure on a notre rubrique Mais de Fanny qui va reprendre aussi un petit peu son actu ciné et en plus il est très tard. On est super à la bourre. La mes amis, chérie. À moi qui interromps tout le monde tout le temps aussi. Mais c'est toujours de la faute de Gaëlle de toute façon. Parce que c'est facile. Oui, c'est facile. C'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la rubrique Cinoche. J'ai regardé pour vous cette semaine le film Moonlight, hein, inspiré par la récompense des Oscars ce week-end. Moonlight a reçu la récompense du meilleur film. Vous vous rappelez sûrement ce petit moment un petit peu gênant où on annonce que c'est La La Land qui a le meilleur film et qu'en fait c'est Moonlight. Voilà. Du coup, les mecs ils faisaient un peu la gueule parce qu'ils n'ont pas pu profiter vraiment de ce kiff-là vu que toute l'équipe de La La Land était déjà sur scène en train de remercier pour les prix. Donc voilà, bon, ils étaient un petit peu mal à l'aise. Alors Moonlight, c'est un film de Barry Jenkins, qui a fait très peu de films dans l'absolu, qui est seulement le quatrième réalisateur black à être nommé dans la catégorie des meilleurs réalisateurs aux États-Unis aux Oscars. Et en plus, il a reçu le prix du meilleur film. Donc, c'est pas mal. Petit point ethnique. C'est important. Donc c'était, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les filles. Donc, c'est un film. Allez, on passe deux heures devant un film qui retrace en fait l'histoire d'un garçon de l'âge de ses 8 ans à peu près à l'âge de ses 30 ans. Le film se découpe en trois temps où un enfant joue, ensuite un adolescent, puis ensuite un adulte. C'est trois acteurs différents qui vont incarner le même personnage tout au long de ce film et qui vont générer une forme de continuité. C'est le gros pari du film, c'est-à-dire faire que les personnages se ressemblent et faire qu'ils jouent la même personne. Et ben ça fonctionne super bien, ça c'est pas un souci. Par contre, le film est un peu plus compliqué. On a un film qui parle d'un gros tabou. Alors, c'est un tabou même pour les spectateurs, hein, puisqu'effectivement, sur Internet, quand on lit les critiques, tout le monde dit effectivement, le film parle d'un tabou, un tabou, c'est spoiler et tout. On regarde la bande-annonce, on comprend tout de suite que ça parle du fait d'un petit garçon qui, très jeune, sent déjà son homosexualité, tout simplement. Voilà. Et donc ce film, c'est comment ce petit garçon, qui est né dans des quartiers difficiles de Miami, très difficiles même, où la drogue est partout, sa mère est toxico. Le petit garçon s'appelle Chiron. Va en fait construire son identité, construire sa personne dans ce milieu un petit peu hostile qui va pas l'aider à savoir qui il est. Au milieu de toute cette homophobie aussi ambiante, il se fait vraiment casser la gueule. Enfin voilà, c'est aussi l'histoire du film. Du coup, il n'y a pas vraiment de spoiler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans ce film. C'est juste l'histoire d'un gamin qui grandit et qui essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voilà. Sauf que voilà, c'est aussi un film qui est très. Qui a des. Moment d'intensité, mais il y a des gros moments de silence. C'est un film très photographique. On a des belles couleurs. On a des beaux moments à passer. On a une caméra qui est très. Qui aime les mouvements vraiment. Les mouvements de la marche. On a des scènes très longues où on voit les personnages marcher dans des décors différents. Où on voit des voyages en voiture. Enfin, c'est quelque chose vraiment. C'est vraiment centré sur la gestuelle dans des lieux un peu resserrés comme ça. Donc, c'est, à ce niveau-là, c'est très intéressant. On a des bons acteurs. Et pourtant. T'as pas aimé. Ben, ce qui me questionne, c'est pas que j'ai pas aimé, ce qui me questionne, c'est l'Oscar en fait. Ça me questionne. Enfin, c'est pas que je dis c'est pas bien, mais je dis c'est pas assez bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure en off de Divine. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir ce film, Divine. Oui. Un film français qui a eu des récompenses à Cannes, qui a été récompensé au César, meilleur premier film, meilleur espoir, meilleur second rôle féminin. Puis il y a un film absolument hallucinant où on reste pendu un truc, il y a de l'émotion, de la peur, de l'intensité, voilà, il y a de l'histoire, il y a du social, il y a tout, il y a du politique, c'est super. Il y a de l'humour, c'est vraiment top. Et là, on a un film qui est un petit peu fadasse, quoi, un petit peu fadasse. Et on a un film qui finalement n'ose pas parler de ce tabou de l'homosexualité. Il y a les premiers émois sexuels, des choses comme ça. Mais ça plane la chose. Et je suis assez d'accord. Tu l'as vu du coup ? Je l'ai vu en dilettante. Ah, d'accord, ok. Mais je vois très bien ce que tu veux dire en parlant de photographie du film et de la démarche du réalisateur, qui effectivement, on a plus l'impression. Enfin, j'ai vraiment ressenti le tabou comme étant un tabou. Exactement. Parce qu'il y a plein de films maintenant, enfin un certain nombre, qui parlent de l'homosexualité, de la découverte de l'homosexualité, etc. Bon, là, c'est dans un cadre beaucoup plus difficile, parce que j'imagine que dans ces quartiers, on va dire que le culte de la masculinité, de la virilité, est poussé quand même à un certain niveau. Exactement. Mais, ouais, on a l'impression que même le réalisateur... Il rentre pas là-dedans. Ouais, il rentre pas là-dedans. Et coup, le film se termine sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment il va pouvoir continuer à vivre et assumer ça. C'est-à-dire le film se termine quand il y a une forme d'acceptation de ça, voilà, ou quand voilà, il fait la bonne rencontre, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est là qu'on on dit, tiens, c'est là que ça m'intéresse. Quand on est dans le sentiment, c'est pas quand on est dans la retenue automatiquement. Et c'est un film qui se retient, il se retient de parler de ce sujet. Et du coup, c'est un peu dommage. Et cet Oscar, il sonne un peu politique, tu vois. Il sonne un peu, un peu quartier difficile de Miami, bien sûr. Un black et tout machin. Sans faire de discrimination, mais il sonne un peu politique. On veut parler de l'homosexualité sans en parler. Il n'y a pas de scènes qui sont choquantes. Du coup, finalement, il fonctionne bien, il a du sens, il permet la réflexion. Voilà, c'est un film qui, pour moi, est vraiment intéressant, mais pas tout à fait abouti. Il manque un peu de vie, en fait, à certains moments. Il manque un peu de courage, je dirais, de courage dans la scène, de courage dans l'investissement. Après, c'est un des premiers films du réalisateur, et donc peut-être que... Et en plus, un petit peu autobiographique. Oui, apparemment, il l'a dit, pas oui. Sur l'homosexualité, mais sur l'endroit où il a grandi, avec la drogue autour de lui. Mais du coup, ça questionne beaucoup sur la thématique de l'homosexualité et comment ça parle de lui. Et comment ça parle de... Bah, ce qui est dommage, c'est que sur le papier, le pitch était quand même vachement intéressant. C'est un truc qu'on voit jamais. Et la bande-annonce est d'une intensité assez, ah oui. Assez incroyable. Il y a une très bonne utilisation justement de la musique classique. Exactement. À l'intérieur du film qui rend certaines scènes. Moi, je me rappelle surtout la scène dans laquelle il nage dans l'eau avec son père. père ou... Non, cet homme qu'il a adopté un peu comme ouais, son père, voilà. Cette figure, quoi, voilà, paternelle. Voilà, où t'as une musique qui colle parfaitement. Alors oui, le moment est long, enfin, il y a quand même une certaine amplitude ouais, de temps. Mais il est assez intense. Mais c'est intense, donc ça va, ça marche. Mais alors par contre, 2 heures... C'est un peu long, mais du coup, voilà, je voulais finir par ça. Tu vois, tu m'as ôté les mots de la bouche sur le fait que ce film est vraiment porté par ses choix musicaux de bande-son qui sont... Pour le coup, quand ils sont là, ils sont extrêmement bons. Voilà, avec beaucoup et puis c'est audacieux de les placer dans ce genre de contexte aussi. Exactement. Dans Divine aussi, il y a beaucoup de musique classique. Ouais. Des moments lyriques comme ça, de oui, oui, oui. Transcendants. On est vraiment sur les mêmes, effectivement, sur les mêmes dynamiques. Et voilà, c'est ça qui va porter le film et qui va donner son sens. Voilà, donc petite rubrique qui est assez, comme je vous l'ai dit au début, un petit peu courte. Je vous ai parlé de Divine parce qu'il fallait qu'on en parle. Il faut savoir qu'RMG les a rencontrés. On a fait les conférences de presse avec l'équipe de Divine, enfin, on a vu les films, on a fait la présentation de l'avant-première, on a rencontré l'équipe, ces jeunes femmes qui sont incroyables, cette réalisatrice qui a un culot de dingue et une intelligence de fou derrière une caméra, super méritée parce que des nanas très simples, très humbles, j'espère qu'elles le garderont beaucoup et avec un bel avenir dans le cinéma, un film fabuleux. Voilà, tout de suite, on va retrouver la petite pause musicale concoctée par Gaëlle. Juste après tout cela, on retrouvera notre rubrique Parlons-en avec Alice qui va nous faire sa petite rubrique, le parallèle par Alice. Oui, je sais, j'adore ce nom, j'arrive pas à m'y faire autrement. Et la rubrique de Fanny, et nous finirons l'émission sur le truc drôle. Tout de suite, on retrouve les titres Gush, Follow the Sun and College Electric Youth, A Real Hero Drive. Allez, à tout de suite sur RMG. Thank you. RMG. Plus qu'une radio, une aventure. La première web radio de la région. RMG, c'est au quotidien sur rmg38.net. rmg38.net. Application smartphone et box internet. Il est 21h38 et nous sommes de retour sur RMG en direct de l'émission Autour d'elle. On enchaîne tout de suite avec un thème qui fait rêver plus d'une personne. Vous connaissez la sorcellerie? Le paranormal, peut-être que vous ne savez pas, mais Alice est là pour nous en parler ce soir. Tout à fait. Dans une modalité un peu particulière qui lui appartient. Elle va vous parler d'elle. Non, pas du tout. Elle va nous parler de sujet. Qui parle de ses passions? La sorcellerie, hein, petite sorcière? Oui, tout à fait. Du coup, cette émission qu'on te présente plus, vu que c'est la deuxième, hein, j'ai envie de dire. Donc, le parallèle par Alice, sobrement intitulé. Qu'est-ce qu'on kiffe? Donc, pour rappeler le concept de l'émission, donc, je vais prendre deux sujets qui sont fondamentalement différents, mais qui, en fait, vous allez le voir, ont des points communs. Donc, tout d'abord, merci pour cette invitation. Et ce mois-ci, dans ma petite chronique, eh bien, on va parler, comme Charlotte vous l'a dit, sorcellerie, mystère, enchantement paranormal. Bref, vous l'avez compris, on va parler de François Hollande. François Hollande qui a mystérieusement disparu de nos radars ces derniers temps. Hein. C'est vrai que le président fantôme, comme j'ai envie de le dire, bon, on le voit plus beaucoup hein, sur nos écrans, à la télévision, à la radio. Mystère. Et pourtant, il est là, le François. Il fait ses trucs, tranquille, mystérieux, posé, le mec. So posé. Tout à fait. Mais cette semaine, on l'a vu à la télé. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu. Il s'est rendu en visite officielle au siège du Grand Orient à Paris. Chose, entre parenthèses, jamais faite par un président de la Ve République. Alors, le Grand Orient, les filles, qu'est-ce que c'est? Moi, je sais. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne grande qui vient d'Orient. C'est... Bien joué. C'est moi. Je sais pas. Je sens que tu es sur le bout de la langue, Fanny. Vas-y. Oui, je l'ai. C'est la loge des francs-maçons, non? Tout à fait. Oui, c'est une loge, mais pas n'importe laquelle, maçonnique. Donc, bon, pour la petite info, c'est quand même l'une des rares loges maçonniques de France, voire d'Europe, à être tout à fait laïque. À savoir qu'ils sont quand même les artisans de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais bon, nous, tout ça, c'est très technique et on va rester quand même sur le fait que franc-maçon, mystère, paranormal, voilà. Et du coup, là-bas, il a donné une conférence de presse et notre cher président fantôme, hashtag moi président, je ne serai plus jamais président, a lancé là-bas un message demandant aux francs-maçons de protéger la République en vue de la progression du FN dans les sondages. Alors là, je me suis dit, meuf. François Hollande qui demande aux francs-maçons, de défendre la République française. Ben, pourquoi pas Lana Del Rey, super sorcière qui défend la démocratie aux États-Unis. Et calmez-vous les filles, parce que oui, elle est là la meuf, avec ses tarots et sa bougie, Lana Del Rey, hashtag Lana Del Rey Dumbledore la meuf. Tout commence sur Internet. Car bah ouais, les hiboux, c'est saut 2016, hashtag Bin Trump, avec cet appel lancé aux sorcières du monde entier par un groupuscule de sorcières du coup américaines, qui ont invité du coup à tous les adeptes de la magie noire de faire une espèce de petite cérémonie satanique chez elles pour contrer le pouvoir de Donald Trump. Pour normal. C'est de lui lancer un sort pour qu'il soit destitué. Et du coup, sur un site internet, on pouvait trouver les espèces de formules magiques et les... Et ce qu'il fallait rapporter pour faire ce petit rituel. Donc vous allez voir, on est bien loin du sacrifice des brebis et des œils de corbeau. Hein. Pour faire ça, il fallait un fil noir, du soufre, des plumes, du sel, une bougie orange ou blanche, ou encore une photo désavantageuse de Donald Trump. Donc rien de bien difficile à trouver, me direz-vous. Non. Donc, surtout pas le dernier. Pour en revenir à Lana Del Rey, eh ben, comme je vous le disais, elle fait partie de ce groupuscule de sorcières. Elle l'a tweeté d'ailleurs le 24 février en disant « sur les coups de minuit, 3 petits points ». Et ensuite, elle a énuméré les dates à laquelle il faudra répéter l'enchantement à distance. Et donc, pour les intéressés, il s'agit de toutes les dates en fait, de nouvelle lune. Donc, c'est à peu près tous les 24 du mois, 24, 27, je ne sais plus. Mais là où j'ai trouvé ça franchement drôle, c'est quand j'ai découvert qu'en fait un groupuscule de fervents catholiques s'était concerté pour contrer cette forme de magie noire. Hashtag prayer résistance. Et du coup, tous ces petits catholiques vont se retrouver dans des églises ou chez eux et vont partager sur internet des recettes pour prier avec et invoquer les forces blanches positives pour contrer ces démons. En fait, donc sans qu'on le sache ou à moins que vous le sachiez, une véritable bataille entre les forces du bien et du mal est en train de se jouer là maintenant sous nos yeux, quoi. C'est incroyable. Oui, alors vous allez me dire ta conclusion, meuf. Vas-y bébé, quoi. Meuf. Il est où le rapport ? Eh bien, le rapport, c'est qu'on a l'impression que les forces occultes, les sociétés secrètes n'effraient plus personne. Sommes-nous évolués au point de prendre la magie noire comme une vaste blague, tellement désillusionnés de la politique qu'un lien entre le président et la franc-maçonnerie nous donne juste envie de dire « Bleh !» Voilà, quoi. « Bleh !» Est-ce que les forces occultes et démoniaques nous font autant d'effet qu'une une de glamour sur le régime minceur de Kim Kardashian ? Oui. Voilà. Ah, moi, je dis qu'il faut poser la question, en tout cas. Oui. Je dis qu'on devrait créer un hashtag pour ça, parce que c'est important, et qu'on n'en parle pas assez, et qu'aujourd'hui, de grandes choses se font avec des hashtags. Non, pas du on tout. On peut changer le monde pas, avec des hashtags. Je crois pas une seule seconde, et ça me fait beaucoup rire, d'ailleurs, toute cette je mode du hashtag. Je ne sais pas si ce pays est fou, ou si... Est-ce qu'il rend fou ? Est-ce qu'il rend différent ? Est-ce qu'il rend original ? Est-ce que cette originalité, c'est de la connerie ? C'est de la folie ? C'est du génie ? Je pense que ça vient de l'histoire des États-Unis. Parce que je pense que si toutes ces personnes se retrouvent là-bas, c'est pas un hasard. Je pense qu'on a viré tous nos fous et qu'on les a emmenés là-bas. Et que, bah voilà, hein, fallait qu'il y ait. Non, mais sincèrement, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez encore peur des démons, de Satan, etc. ? Ou alors est-ce que c'est juste un espèce de truc qu'on va balancer en cover d'un album et qui fera sexy. Moi, j'ai pas peur, mais je dirais pas Bloody Mary trois fois par exemple. Ah oui. Devant un miroir et tout. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais, je connais cette Moi, j'ai peur des fantômes dans le sens où dans l'imaginaire, dans tout ce qui est film, dans tout ce qui est représentation, etc., je vais me chier dessus. Mais par contre, dans ma vie de tous les jours, non, non. Ça va. Je peux dire Bloody Mary trois fois devant le miroir. Je ferai une petite vidéo. Moi, je tenterai pas. Toi, tu tenterais pas ? Ouais, non. C'est un peu ce truc, on sait jamais, quoi. Mais le pire, c'est que du coup, il y a eu des vidéos sur Internet, du coup, de personnes qui ont fait ces cérémonies un peu sataniques, et je mets de grosses parenthèses, parce que franchement, pour faire une cérémonie satanique avec du fil, du souffle, des plumes, du sel, une bougie, etc., à mon avis, c'est un peu plus complexe que il ça. Manque au moins un berger allemand et du sang. Mais il y a quand même... Il faut du sang. Il y a quand même une idée derrière, tu vois, de faire apparaître un espèce de force démoniaque. Et je me dis, si des milliers de personnes le font, ben moi, je suis pas rassurée. Voilà. Mais tu peux joindre les chrétiens et aller prier dans les églises. Oui, mais en même temps, j'ai pas spécialement envie que les chrétiens réussissent. Enfin, c'est pas non plus rassurant. Ouais, en fait. Pour le bien, les sorcières aussi. Mais c'est plutôt cool. Est-ce que c'est un espèce de charme de version moderne ? Ouais, je pense. Cas, on peut dire ça. Mais moi, ouais. Je pense que le bien et le mal, vous voyez, c'est des notions qui maintenant. Tout est gris, tout est gris. Non, ouais, non tout plus. Tout est Mick Jackson. Voilà, c'est ça. Le blanc et le noir. Ouais. Écrit, tout est gris. Hey Bernie. C'était fabuleux. Éclaire-nous un petit peu plus, Fanny, sur ces notions de force ou pas. Voilà. Par contre, j'aimerais ton générique. Ah, c'est vrai ? Oui. Alors attends, pourquoi ? Non. Deux fois dans la même émission. C'est un putsch. C'est trop. Est-ce que c'est sage ? Oui, jamais, bien sûr. Allez, c'est parti. Attention, on se bouche les oreilles. Ça vient d'avoir un orgasme, c'est dégueulasse. Le problème, c'est qu'on a plus la nature, Fanny. C'est la nature. Merci. Pourquoi ce générique ? Pourquoi dans ma chronique ? Mais. Et d'ailleurs, tu fais très mal le mais. Parce que c'est un mets de chèvre. C'est un mets de chèvre que tu me fais. Alors que non, c'est un mets d'humain. C'est un... Tu vois, un peu de lassitude. Pas, mais je te passerai un fichier audio que tu écouteras avant de te coucher pour t'imprégner. C'est au du moins mets. Nécessaire, oui. Donc cette semaine et les semaines précédentes, parce que je n'ai pas été là, parce que oui, vous l'avez remarqué, je parce vous ai manqué. Tu faisais autre chose ? Oui, parce que j'ai une vie. Et je suis allée au cinéma et pour une fois, j'ai payé. Donc je me suis dit, autant en parler, quoi. Puisque je me suis appauvrie. Et en plus, je me suis pris une contravention. Donc, je me suis doublement appauvrie. Et bim, 50 euros la séance de ciné. Donc, elle avait intérêt à être bonne. 50 euros ? Si. Des zizi, je peux te le dire. Toi, t'es un peu marseillaise. Hein. Non, je te jure. La contravention était de 50 euros. Ah, Et contravention, ouais, pas en la y place allant. De ciné. Non, en y allant. Oui. Mais même, c'est pareil. Ça pareil. Change tout. En y allant. Se prend une contravention si j'étais pas à la caisse du ciné. Tu sais, vous avez attendu en dehors. C'est mon côté rebelle, écoutez les filles. Alors du coup, je suis allée voir deux films. Moi, vous le savez ou vous ne le savez pas parce que vous me découvrez. Et si c'est le cas, vous avez de la chance parce que c'est pas tous les jours qu'on peut découvrir quelqu'un comme moi. J'adore les films d'horreur, les films à ambiance un peu glauque, à ambiance un petit peu qui te retourne un petit peu les tripes. À ambiance, tu n'endors pas pendant deux jours. Mais là, je suis. Ces derniers temps, c'était plutôt soft. Je suis allée voir A Cure for Life. A Cure for Life, qui veut dire chat. Oui. Ouais. Bon, alors, puisque chat n'est pas très bonne en anglais, voilà, je vais en appeler à Gaëlle, qui a fait des études d'anglais. Ça veut dire un. Si, oui, bien sûr. Mm-hmm. Ça veut dire un traitement pour la vie. Oui, voilà. Alors, c'est l'histoire d'un type qui travaille dans une tour, Wall Street, tout ça, t'as vu, rien qui fait peur pour l'instant, qui doit aller chercher son ancien patron pour qu'il réponde de ses fautes. Avant une fusion entre deux entreprises. Sauf que ce patron, il est porté disparu depuis qu'il est parti dans une cure thermale en Suisse. Alors, il va y aller. Sauf que ce mec, donc le héros, est un petit peu complètement à fond dans le mode Wall Street, un petit peu. Lui, il y va, mais il y va deux jours, quoi. Il y va pour y aller et pour repartir après. Il a pas le temps. Le mec, il a pas le time. Sauf qu'il va arriver là-bas, il va se rendre compte que les gens sont un peu chelous. Un peu chelou dans le sens où ils sont très heureux, contrairement à lui. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Oui. Moi, j'aime pas ça. Ça, c'est la Suisse. Ça, c'est ça me fait peur. Voilà. Alors déjà, l'ambiance du sanatorium, il faut savoir que c'est un thème que j'adore. C'est une ambiance qui me porte, qui me retourne les tripes, qui m'enjaille. Hein, si j'ose parler comme les jeunes. Voilà, qui m'enjaille bien. Et alors, le sanatorium, il faut savoir que c'est un vrai sanatorium hein, qui a été utilisé. Par contre, je sais pas si les scènes extérieures ont vraiment été tournées à l'extérieur de ce sanatorium. Enfin bref. Et donc, quand il va arriver là-bas, il va se rendre compte que tout le monde est heureux et que ce serait soi-disant dû à l'eau. Bon, bah écoutez, il voit que le type veut pas repartir parce qu'il l'a retrouvé, hein. Et il se dit bon bah fuck it, je rentre chez moi parce que moi j'ai des trucs à faire. Sauf que, une fille lui dit on ne ressort jamais d'ici. Il dit, bah, s'il vous plaît, hein, j'ai des pattes, j'ai une voiture, j'y go. Sauf qu'il y a un cerf qui se jette devant sa voiture, culé de cerf. Et donc, accident de voiture, il a la jambe dans le plâtre. Ouais. Spoil. Merde. Bah, c'est le début. Donc, il va être contraint de rester dans cette cure. Et de là va en découler une série de mésaventures pour lui, où il va en découvrir de plus en plus sur la cure, sur cette eau. Et sur le dirigeant de la cure qui est assez charismatique, et sur cette fille aussi qu'il a prévenue, qui est un petit peu elle est bonne non enfin elle est pas elle est il y a une histoire d'amour dans le film d'horreur oui, c'est sûr bien sûr oui entre le type et non elle a un physique assez atypique elle a un physique que je qualifierais de chromosomesque en plus, c'est-à-dire handicapé. Ouais, enfin, je suis désolée parce qu'en plus l'actrice doit être superbe. Mais elle a pas de sourcils en fait. Alors du coup, ça rend les yeux un peu globuleux qui sont un petit peu enfin voilà, ça lui fait un air un peu bizarre. Et elle parle très doucement. Enfin, elle est vraiment dépeinte comme quelqu'un de pas fini. Je suis désolée. Elle est flippante. Hein. Ouais, elle est un peu flippante. Mais c'était bien. Moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que toute l'ambiance du film est assez lancinante, assez blanche, assez bleue. Enfin, vraiment, il y a tout un travail de photographie justement sur le film où il est où le film en fait est dépeint comme quelque chose de très froid comparé à cette cure, c'est-à-dire que le blanc est omniprésent. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bunker Palace Hotel. Voilà. C'est un film de science-fiction français. S'il vous plaît, non, comme on n'en connaît aucun, qui a été réalisé par Enki Bilal, qui est donc un très grand dessinateur, ouais. Et qui du coup avait un petit peu cette approche esthétique du truc, et qui du coup a rendu son travail très blanc, et c'est justement dans des bâtiments un peu art déco comme ça, où on retrouve toute cette cette esthétique ronde. Il y a beaucoup de ronds, il y a beaucoup de courbes, de courbes. You speak English, yeah. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chat m'a fait un signe. Faut couper, Fanny, hein? T'es un peu longue. Alors, du coup, j'ai été complètement perturbée. Mais du coup, oui, je sais que c'est l'heure. Oui. Et du coup, donc, j'ai beaucoup aimé ce film. Je vous le conseille. Il est un petit peu long, surtout sur la fin, parce qu'il y a beaucoup de retournements, enfin, pas de retournements de situation, non, au contraire. Mais, il y a beaucoup de, c'est assez long sur la fin, là. Ils prennent leur temps pour la fin. Voilà. Et je me suis dit, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Un soir, un pote que vous ne connaissez pas du tout, qui n'est pas du tout sur cette radio, hein, hashtag Ben, m'a envoyé un message pour me dire, ce soir, on va voir un film tué. Je fais d'accord, parce que moi, je suis sans amis de base, et je ne fais jamais rien de mes soirées, je vis triste, donc j'ai dit, ok, d'accord. Je savais plus du tout quel film on allait voir, on est allé voir Split. Ce que je vous ai pas dit, c'est que il y avait Ben, qui est un garçon solide, et à côté de ça, il y avait une petite chose qui adore les films d'horreur, n'est-ce pas Gaëlle ? Mais tout à fait. Gaëlle était parmi nous. C'est mes films préférés. Elle était relaxe pendant tout le film. Je me suis marrée, mais alors, franchement. Alors, Split, c'est un film de M. Night Shyamalan, qui est un très grand réalisateur, très très grand réalisateur, Oui, bah merci. Oui, c'est un grand réalisateur qui a autant été décrié que adulé. Donc c'est-à-dire qu'il a eu une période de gloire, Sixième Sens, tout ça, Incassable, c'est ça ? Ouais. Voilà, tout ça. Et Signe. Et Signe a marqué le début d'une lente, une lente descente aux enfers pour lui, qui a ensuite enchaîné les bides. Pas tant au niveau des entrées qui se maintenaient toujours, mais alors au niveau critique, c'était dégueulasse. Ouais. Et là, on nous a dit, Split, c'est le retour de M. Night Shyamalan, c'est vraiment ce qu'il avait. Il est de retour, les gars, allez le voir. Et du coup, je me suis pas du tout spoilé l'histoire du film. C'est l'histoire de Kevin qui a quelques problèmes dans sa vie, voilà. Donc, Il va pas bien, Kevin. un jour, trois jeunes filles sont enlevées et elles se réveillent dans un bunker, encore. Et de là, elles se rendent compte que un type les séquestre, très maniaque, très frustré, très psychopathe. Hein, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. Sauf que au bout d'un moment, elles entendent une voix féminine de l'autre côté de la porte. Bah tiens, il est accompagné. Ce genre de choses arrive à choper des meufs. Et oui. Sauf que quand la porte s'ouvre, en fait, c'est Kevin avec des vêtements de femme. En fait, Kevin a 23 personnalités. Et le pitch du truc, c'est que deux, trois de ces personnalités vont essayer d'endiguer la 24e qui est sur le point de se réveiller. Non, c'est le truc du film. C'est dans le résumé. D'accord. Donc voilà. Alors, on va découvrir donc majoritairement trois de ses personnalités. Donc nous avons, c'est pas Barry, c'est comment il s'appelle ? Mais on a Barry. Ouais, mais Barry, on le voit jamais en fait. Mm. Il est jamais vivant à l'écran. Barry, c'est celui qui est chez la psy. Oui, mais donc voilà. Il y a Dennis. Dennis, qui est donc le sociopathe, hein, voilà. Qui aime beaucoup se laver les mains, c'est sa passion. Ouais. Patricia. Patricia, qui est donc la femme, ouais. Qui est un peu névrosée aussi, hein, faut le dire. Oui. Qui a mis en place toute une espèce de culte religieux un peu chelou pour justement endiguer la 24e personnalité. Ouais. Et on a Hedwig. Hedwig, qui est le plus attachant, qui est le gamin. Voilà, qui est le gamin qui est resté dans un stade qui a 8 ans, mais vraiment. Oui. Et toute la force de ce film... Mais c'est l'acteur. Merde, j'ai oublié son nom. James McAvoy. Qui est. J'ai pas les mots. Très sincèrement, il est. Extraordinaire. Incroyable. À chaque fois que Kevin change de personnalité, on le voit, on le sent. Il n'y a pas besoin d'avoir un petit bandeau en bas qui dit c'est Edwia, c'est Patricia. Non, c'est. On le sent et ça se voit à son visage. James McAvoy, ça fait 10 ans. Que je l'adule en tant qu'acteur et il a fait des bouses hein voilà mais je le trouve fantastique et puis j'adore sa gueule j'adore sa façon de jouer, il est touchant qu'il soit en Patricia qu'il soit en Hedwig qu'il soit en 24e personnalité qu'il soit en Dennis qu'il soit en Barry mais c'est incroyable enfin moi j'ai été sur le cul. Je suis rentrée chez moi, j'étais pas yimbe. Moi, j'avais vu qu'il avait pas eu tant de temps que ça, en plus, pour préparer le rôle et justement s'imprégner de tous les personnages. Et je crois qu'il a fait en plus une grosse préparation physique là-dessus, qu'il a eu des coachs. Enfin, bref, voilà, hein, là-dessus. Ça a été assez juste au final. Ouais, mais c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment. Incroyable. Et ce que je trouve prodigieux avec ce film, c'est que justement, on te met pas énormément de sous-texte. C'est-à-dire que c'est comme ça, tu le découvres, toi, et le réalisateur te tient pas par la main pour te dire « Eh, regarde, c'est comme ça !» Non, non, c'est toi qui fais aussi un peu l'effort de rentrer dans le truc, mais ça t'arrive assez facilement. L'histoire de la gamine, une des gamines, en fait, qui est kidnappée, et on va dire la gamine principale, moi, j'ai trouvé un peu anecdotique. Hein, déjà, au niveau de l'actrice, qui, je trouve, est un peu fadasse. Non. Moi, j'ai trouvé fadasse. Moi, j'aime pas les filles. Je l'ai bien aimé, moi. Ah ouais. Je trouvais qu'elle avait une expression assez intense. Moi, j'ai trouvé au début quand elle s'oppose à Dennis et qu'elle trouve justement le truc pour le faire un peu vriller. Je l'ai trouvé très bien à ce moment-là, mais après, elle rentre un peu dans le pathos, dans le je suis triste. Alors je souffre, je suis une petite fille qui est triste. moi, ça m'a un petit peu. Sur la 24e personnalité aussi, est-ce qu'il y avait besoin de le montrer à l'écran? Patati, patata, pas très pertinent à mon avis, mais ce film est génial et je pense que je vais aller le revoir. Voilà. Oui, Char. Je veux bien venir le voir avec toi. Tu l'as déjà vu, Char? Non. Non? Ah bah non. Écoutez les filles, on se fait une sortie entre couilles. J'aime bien y aller mais j'ai peur. Mais non, mais viens, t'inquiète pas, ensemble, tu te mets à côté de Gaëlle, t'auras plus jamais peur. Elle aura peur pour toi. J'aurais peur pour tout le monde. Il faut savoir que Gaëlle était toute rétractée sur son siège. C'est ça. Et que c'était plus elle qui foutait la trouille plutôt que le film. Donc, ma préférence des deux films, j'y croyais pas, mais elle est passée à Split. Voilà. Hein. Ah ouais. Cure for Life, très beau film, mais avec certaines longueurs. Split. J'adore. Il y a quelque chose dans Split de toute façon qui est à part, quoi. Ouais, qui est à part. C'est nouveau, c'est vraiment. C'est nouveau. Ouais. Et franchement, je l'ai adoré. Et je vous laisse. Merci beaucoup, les louloutes. Allez, on enchaîne tout de suite avec un petit peu de musique. On a eu des dédicaces. On a Wikipédia qui nous dit soyez bouddhistes et vivez mieux. Hashtag zen, hashtag autour d'elle. Merci Wikipédia. Merci, Wikipédia. On a Merci. Kelly qui nous dit coucou, votre émission est bien sympa, mais dommage qu'on ait du mal à vous identifier entre vous. Et certaines que j'entends moins bien, c'est peut-être mon phone. Non, on a une bande passante qui est un peu juste, Kelly. Du coup, c'est pour ça qu'on entend moins bien. Ceci dit, si tu veux nous voir, il y a les caméras en direct que tu peux trouver sur le site rmg38.net. Sinon, on peut dire nos noms avant de parler, voilà, comme à l'école. Et du coup, effectivement, c'est compliqué de dire les noms avant de parler. Et on a Benito de la Vega, donc on ne sait pas qui c'est, qui nous dit « Pas là physiquement, mais présent par l'esprit, rassurez-vous, j'ai vendu. » Bonne fin d'émission. Merci beaucoup à tous. On enchaîne tout de suite avec les titres Shivari, Good Night Monkey et ensuite Airplane Grand Love. On se retrouve juste après pour le truc drôle. À tout de suite sur RMG. Bisous, bisous. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. So there's no momentum. I'm on fire on the playground. Musique, émissions, cadeaux, événements. Pec sommes-nous. Radio Malherbe Grenoble. RMG. Numéro 1 en Rhône-Alpes. RMG. Et de retour sur RMG, il est 22h08, on est à la bourre. Heureusement, il nous reste la rubrique qu'on préfère, évidemment, le truc drôle. On rappelle, on tire au sort le prénom d'une des animatrices qui doit raconter Sonia. Une blague. Respire. Ce sera sûrement Sonia, vu que sur cette émission, elle a dû en tirer 6 fois. Les blagues qui étaient à chaque fois fabuleuses, mais bon, source de moquerie, bien ça, sûr. Ça, c'est celle qui tire toujours. C'est le concept. Sonia. Ah oui, toujours. Tire plus vite que son ombre. C'est il est l'heure de savoir laquelle de nous, ce soir, va raconter sa bagounette. Ah. Moi, je pense que Sonia a suffisamment souffert pour nous, déjà parce qu'elle raconte des blagues, et deuxièmement parce qu'elle a été enceinte. Est-ce que tu veux tirer Pourquoi pas, c'est vrai. Ouais, vas-y, je suis sûre que j'aurais plus de plaît, chance. C'est tapé quand attention, même 9 mois pour nous. Hein. Merci Fanny. Si tu tires ton nom, je m'en voudrais à vie. Mais non, je sais que ça va être l'une de vous. Elle va sortir un nom random, moi, tu sais, genre. François. Tintintintin. Oui, merci Fanny d'avoir eu cette idée génialissime. C'est Fanny. Il faut savoir. Que tout à l'heure, j'étais là genre j'ai pas de blague. Et elles m'ont dit ah mais t'inquiète pas. C'est toujours c'est Sonia. Sonia. Bon. Alors comment savoir? C'est de mémoire hein, que je la fais. Comment savoir si on a déjà couché avec un âne? Je sens déjà la teneur. Ouais. Pas besoin de savoir, c'est on l'a jamais fait quand même. À moins que tu sois complètement bourré, généralement t'oublies pas ce genre d'expérience. Ce petit détail. Je sais pas, mais en tout cas, crois-moi que tu dois t'en souvenir. Oh non, c'était ça la chute. C'était non. Ce qu'a dit Alice en fait. Non. Ouais. Ah. Enfin, c'est que genre, tu peux pas l'ignorer quoi. Oui, c'est ce qu'a dit Alice. Ouais. Non. Elle dit, si t'es bourré, ça peut passer. C'est ouais, ça sinon, t'es jamais assez bourré pour pas t'en souvenir. Mais moi, je parlais d'un truc on physiquement. À expliquer la blague. Je parlais d'un truc physiquement. C'est que c'est mauvais là. Ah, c'est ça va trop loin, c'est parti trop loin. C'est le signe d'une mauvaise blague, Panier. C'est une blague, c'est un fait quoi en fait. C'est ouais. Excusez-moi, je raconte ma vie comme c'est ça. Constat, j'avais quoi. Besoin de partager ça avec quelqu'un, merde. Bah, il arrive de ces trucs à chaque fois que je vais à la campagne, moi. C'est d'une tristesse. Bah, la prochaine fois, Fanny, parle-en à ton âne. Voilà. Moi, par contre, tout ce que j'ai à dire, c'est que tout à l'heure, Chat, elle est passée à côté de moi, elle m'a traité de connasse. Non. Bah non. Ah, tu sais que c'était pas moi, parce que. Un peu les deux. Toutes celles qui sentaient la clope, je crois. Ah, ouais. C'est sûrement que j'ai nicotine. Chier, putain. Et dans 2 semaines, vous la retrouverez toute desséchée. Oui, c'est ça. Bah, j'aurais avalé ma graisse. Merci beaucoup pour cette blague, c'était absolument déroutant. Délicieux. Je dirais ça comme ça, et délicieux. Il est 22h10, on est un petit peu en retard, mais pas trop. Quel plaisir ça a été ce soir encore d'être avec vous en direct. Merci les filles, merci Alice pour cette soirée. Merci à vous, merci beaucoup. Mais bisous, merci ma fanouille. Mais je t'en prie. C'est Sonia les rayonnantes, merci ma biche. Merci à toi. Et notre douce Gaëlle, merci ma Gaëlle. Merci ma chacha. Oh, elles sont trop belles. C'est elle toujours... se... Et merci Charlotte. Oh merci mon chat, ça c'est un petit temps. C'est un petit temps, j'ai toujours un plaisir d'animer ensemble. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même endroit, 20h30 en direct d'RMG. Continue à nous suivre, on sait jamais, il y a des petits cadeaux qui peuvent tomber. Tout de suite, on retrouve un titre de Lana Del Rey, Love. On vous laisse kiffer. À très vite. À dans 2 semaines. Bye bye. Bye. Love.